Olympique, yebisa mère Malou, batale langa situation langaï, na malembe, mpo na komi de paysé. Tikangala nzemba o paninga ba sepela o. Bon, ok. Petit vana va. Na vana ngiringiri veba. Comment? Ngiringiri comme on a big zas. Moi, c'est New Jack d'Afrique, enfant chéri à papa, Yemogo, le grand musée. On a recepé la trop, à ma mélomane au Bazolanda. Viva la musique, à nouvelle écriture. Donc, Tindengé Touzawa, puis nous avons aussi qui a rappelé, Tukini, Angomokili, Mobimba. Alors, ouais, nous avons un ben de son, le numéro 1. Vous avez battu. Ma petite, ma colline, mais ce n'est pas bon, vous avez battu. Donc, nous avons un ben de son, numéro 1. Pour nous sélectionner la grimace, c'est ça, c'est ça. Que nous musicate. Oya mbunda yaba grand talakane tuba bonga banani. Bon, na kasi bino mokonde bozana bo bi deja azuze na mbunda. Donc na bako tu trote, kalate. Tozana mupanzi. Mais bino ba tubozalo kuna bo bi deja azuze na kata be road ciné na ba grand perfectionniste à Strasbourg. Mbaloyo. Trop mystique. Le balo va trop, bozo y barra ma trop. Donc, à la Zabongo, du bossoir Risselia, Yemei, Lenkourou, le vieux musée. Donc, bozo à la calaté, tu vois, à côté, voilà. Ton salam en bas vrai, maman va danser. Oh, Zabongo, nouvelle écriture, il a précisé bien. Pas des blagues. Moi, c'est Ibos, le grand bâti, côté Quinta au bon. On a boire avant aimé papa le kourou. Donc besoin de biso ba nouvelle écriture. Donc biso to boire kaki ba biloko bozoyo kana. Ba sai tout ça. Jinangu Ramazani kwa mapendo niko sulise kacha ku orkesi viva la muzika ni mtoto nitoa Kisangani ni mswahili Kisangani niwapenda muzika viva tangu zamani. Voici Pacheco de la musique Pacheco Pacheco. Ah, nous lisons la musique. Moi, la litange. La litange, je n'en pas papa. On va venir à papa. Nous avons mon arabe, bien au moins. Ma tchachi, ma ferré, donc danser. Somme au trou. Donc, somme. La tigui bino, la pessi bino beauté. On va la côté pas à papa. Souzi Mouleka. Christian Nanzenze, le plus jeune keyboardiste de la République. Donc il y est donc défouaté. À la basse, Toalina Tosha. Tosha Tosha. La basse ou Abibende. Maître Pinos, donc le doyen des doyens des doyens. Pinos. Donc Aaron, donc jeune drummer, donc Botalaga Bonzenga, donc Kalamingite pour vivre, Banabasi, Bokeba, Poisoya. Alors, il n'y a tout rien. Écoute-moi, là, le Bessat, il n'y a pas de vieille là-bas. Nenge vieille moga utoloba pour maître yaba maître. La musique nouvelle écriture nzaka ya sika.